de la peine qui tourne autour de nous. La peine dans le calendrier des jours heureux. Il y a de la peine dans tes gestes, ta voix. La peine, adieu les hirondelles, partout il y a de la peine. Perpétuité solidaire, j'ai pris perpétuité solidaire. Depuis que je t'ai perdu, il n'y a plus que le passé. Il y a de la peine, une peau sur la chair, la peine. Qui ne vieillit ni s'adoucit. Y'a de la peine quand l'été chante même. La peine qui traîne ses gouttes sur mes cils. J'ai pris perpétuité solidaire. J'ai pris perpétuité solidaire. Depuis que je t'ai perdu, il n'y a plus que le passé. J'ai pris perpétuité solidaire. J'ai pris perpétuité solidaire. Depuis que je t'ai perdu, il n'y a plus que le passé. Enraciné dans mes pensées, la peine. Adieu les hirondelles, partout y a de la peine.